Deux Chroniques. Chapitre 27. Rotam avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jéroja, fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Ozia, son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. Rotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda, et des châteaux et des tours dans les bois. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Ammon, et il l'emporta sur eux. Les fils d'Ammon lui donnèrent cette année la 100 talents d'argent, 10 000 corps de froment, et 10 000 d'orge, et ils lui en payèrent autant la seconde année et la troisième. Rotam devint puissant, parce qu'il y affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Le reste des actions de Rotam, toutes ses guerres, et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Rotam se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Achaz, son fils, régna à sa place.